les ai vus douter. À la façon de m'en dédouter. Je suis un riche chez les pauvres et chez les riches, je suis un mec douteux. Et ça mal, c'est sur ma carte électorale. Et marqué en majuscule, 6-9-200 vénitieux. Je gratte que les feuilles, le reste je laisse ça à la CAF. Les places sont chères sur le bateau, dit un glandon mort de soif. Quand l'espérance se brise, prison de flots et récifs. Agressifs, ils affichent des clichés plus que régressifs. J'ai vu la flamme dans leurs yeux, crever leur regard de coquère. Leur outrage mélodieux, leur vision datant d'hier. D'un ton taquin et d'un teint sans mélanine. Qui flapperont être sous UV, rêvant d'une vie sous-marine. J'affine ma pensée, à coup de régime sans télé. La santé c'est l'essentiel, me dit un pote licencié. Victime d'un achat par un acheteur, lui-même racheté à la recherche du profit. Les ouvriers sont bons cachetés. Et les cachetons, c'est bon pour le moral selon Servier. Où cache-t-on la détresse d'un père ne pouvant prier. Car la foi est en crise depuis que la bêtise. Les foutaises plein de bec, le gars va chever sous dialyse. J'aurais pu être juge mais je laisse ma place vu la taille de la jauge. La salle est déjà pleine d'acteurs plutôt fantasques. Et en se mettre en scène, critiquer, taper la peau. Ils baignent dans le faux, pas les masses. J'aurais pu être juge mais je laisse ma place vu la taille de la jauge. La salle est déjà pleine d'acteurs plutôt fantasques. Et en se mettre en scène, critiquer, taper la peau. Ils baignent dans le faux, pas les masses. On idéalise l'argent comme agent gage de bonheur. Si je m'engage chez gratos, sans retour, parole de donneur. Mon honneur, une tache de rouille sur un cœur en pierre. Un cœur à titre posthume du prix de doux rêveur. Les fesses partagent comme les plaisirs ou le droit à l'image. Les tranches de vie intimes s'exhibent sur le panneau d'affichage. Être sous les flashs, est-ce un but génétique? Désolé pour l'offense mais je me considère comme unique. Donc communiquons et même niquons tout ce qui nous unit. Une pensée digne de manie, soit manipulé ou banni. Les basses verses pour le pif, belle aubaine pour le paf. Chacun tient son rôle pendant que le chorégraphe s'esclave. À force on intériorise, mimique et rhétorique. Réplique culte à mort les porcs, baise les flics. Les récits truqués, traquant ces fresques en trompe-l'œil. L'acteur porte le deuil, talent déchu, héros de ce recueil. J'aurais pu être juge mais je laisse ma place vu la taille de la jauge. La salle est déjà pleine d'acteurs plutôt fantasques. Et en se mettre en scène, critiquer, taper la peau. Ils baignent dans le faux, pas les masses. J'aurais pu être juge mais je laisse ma place vu la taille de la jauge. La salle est déjà pleine d'acteurs plutôt fantasques. Aimant se mettre en scène, critiquer, taper la peau. Ils baignent dans le faux, pas les masques. Embrasse les périphéries, ça réchauffera les chaumières. Décapitons l'industrie afin d'élever du chômeur. Les fleurs du mal poussent là où le soleil ne perce. L'espérance côté en bourse, le sadisme est un commerce. La bobine tourne en boucle, tourne et tournera encore. En pleuré de rire reste la meilleure issue pour l'espoir. Mon corps bave sa réplique à l'aide d'un crachoir. Acteur je joue mon rôle sans connaître la fin de l'histoire. J'aurais pu être juge mais je laisse ma place vu la taille de la jauge. La salle est déjà pleine d'acteurs plutôt fantasques. Et en se mettre en scène, critiquer, taper la peau. Ils baignent dans le faux, pas les masses. J'aurais pu être juge mais je laisse ma place vu la taille de la jauge. La salle est déjà pleine d'acteurs plutôt fantasques. Aimant se mettre en scène, critiquer, taper la peau. Ils baignent dans le faux, pas les masques.